chanter l'homme aussi belle harmonie. Souffle nuage en ciel ou kéni soleil. Va moi t'y crème l'amour. Vous faites tout fleur fleurir. J'allais à quai à vous. La moi qui met t'y fait dans Paris. Sans vous, ma bembe profite l'ennui sans sommeil. Parce que pas ni pour nous l'amour éternel. Bon moi en chance à vous, fait que en moi souris. Si ou l'homme ou doit savoir, tout ça moi fait pas si mauvais. Moi tout ça oublié. Si moi peux moi qu'essayer. Moi peux que peux imaginer. Si vous qu'à délirer. Dans la vie faut ni courage. Réfléchis avant choisir. C'est vous tout seul qui peut penser. Tout ça qu'à regretter. Ça toujours belle, ça qu'a créé belle arc-en-ciel. Mais si pas mettre si moi miel, ou que toujours tout seul. Mandez-moi tout ça rouler, si moi peux moi qu'essayer. Mais moi peux pas imaginer, si vous qu'a t'éliguer.